J'utilise ma plume pour te représenter, mon cœur pour te réconforter, mon inspiration pour te parler, mes larmes pour te consoler. Je t'aime jusqu'à la mort, je t'aime loin tes remords. Tu m'as laissé cette cicatrice, faut tout calculer comme une calculatrice. Mon cœur ne te comprend pas, pourquoi mon cœur m'a laissé, pourquoi il ne me voit pas. Je me sens seul, j'aimerais tout abandonner, tout abandonner. Il me reste le gun pour en finir, ce couteau pour me le pointer. Tu me plais vraiment, je veux que mon cœur veut souffrir. Je crois que ma destinée est de me sacrifier. Une goutte coule sur le sable, le sang s'écoule longuement. Ma flamme s'allume éternellement, le temps passe, je me sens lamentable. T'en passe, j'attends que tu m'ouvres ton cœur et que ta voix me découvre. J'espère que ce poème me soulage et me donne du courage. J'aimerais que mon cœur se rapproche du tien et que je me rapproche plus de la lumière et m'éloigner du sombre. Voici un texte sorti de l'ombre. J'utilise ma plume pour te représenter, mon cœur pour te réconforter, mon inspiration pour te parler, mes larmes pour te consoler. Je t'aime jusqu'à la mort, je t'aime loin tes remords. Tu m'as laissé cette cicatrice, faut tout calculer comme une calculatrice. Mon cœur ne te comprend pas, pourquoi mon cœur m'a laissé, pourquoi il ne me voit pas. Je me sens seul, j'aimerais tout abandonner, tout abandonner. Je serai tout le temps de son côté, même tel moment en difficulté. Tu es une princesse au regard perçant, j'oublierai pas ce jour où j'ai te regardé. Tu m'as tellement envie de donner du charme, je serai fidèle, je t'enlèverai les larmes. Que tu couleras chaque jour où tu seras triste, je prendrai des risques. T'offre ce bouquet de mots et non ce bouquet de fleurs. Tu m'inspires ce destin de t'aimer, je n'ai pas choisi. Juste par hasard, je veux te voir avec un sourire. Je me sens motivé par ton cœur, je me sens loin tes rancœurs. Je t'offre ces rimes avec un coup à la rose. J'ai juste une pensée que je te propose. J'aimerais penser à autre chose, mais t'oublier, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Et c'est quelque chose qui me fait souffrir, il est trop tard, il faut résister. J'utilise ma plume pour te représenter, mon cœur pour te réconforter, mon inspiration pour te parler, mes larmes pour te consoler. Je t'aime jusqu'à la mort, je t'aime loin tes remords. Tu m'as laissé cette cicatrice, faut tout calculer comme une calculatrice. Mon cœur ne te comprend pas, pourquoi ton cœur m'a laissé, pourquoi il ne me voit pas. Je me sens seul, j'aimerais tout abandonner, tout abandonner. 2009 NNS. Que tu me pardonnes, Tiakuao.